Chan, oh Chan. Très loin des rappeurs qui dansent à la gare, pour les affaires chez Maître Aguerre. Fais pas de chance, Sénégère, ou la fin sera gore. La routine est sale et tous mes frères le savent. Les combattants suivent et les balles traquent se sauvent. Complètement d'ail sous peugeuf, je confonds la droite et la gauche. Et ta charme kiffe, elle veut gratter sa toffe. Avec Ellie, mais c'est qu'une guerre, un mojito. Elle mérite même pas le bundle du canard. On récupère ce qu'on investit. Faut beaucoup trop fier pour se travestir. Trop chiffre d'affaires, trop bénéfice. Tu gagnes de l'oseille, tu perds des amis. J'ai rodé le jour, j'ai rodé la nuit. Et quand j'ai des trous, bah je repousse le ralice. Les bons payeurs sont rayés de la liste. Et les autres, on les verbalise. Un mélange que tout pâté notorious. Regarde bien meilleuse dans ma tête, on est 12. Ils étaient pas au courant maintenant, ils savent qu'on est pas là pour rigoler. J'suis dans la caisse, entre ses cuisses. Elle est trop bonne, j'suis obligé de lui donner. Travailler plus, pour gagner plus. Sur le terrain que des temps additionnels. J'ai cassé ma puce, elle trouve que j'abuse. Tu as dit que je voulais devenir millionnaire. Any banks, two banks. Any release this beat today. Ils étaient pas au courant maintenant, ils le savent. Ils étaient pas au courant maintenant, ils le savent. Banks. Traîne avec ce genre de toubab de robe de Renoir. Je traîne avec ce genre de toubab de robe de Renoir. Connu des services. Tu m'arrodes avant le R8, tu veux que je t'emmène à la mairie. Mais ta grosse chatte pue la morue. Ouais, ta grosse chatte pue la morue. Et de Malia, je suis amoureux. Pour eux, c'est dur, ils en ont marre. Mais je leur fais l'amour, donc ils en veulent encore. On a pris des thunes, on a la mentale. On a gardé en tête que c'est nous les plus forts. À part rouler du boule, que fait ta sœur, fais grave attention. Elle est vierge comme un CD, les gars va du zoo peuvent lui graver du son. Paraître sous les seins, madame a des crises d'angoisse. Elle veut tirer sur mon joint, élever sa libido. Et je connais tous les chemins, ils peuvent pas partir sans moi. Fais pas le trafiquant, toi, tu n'es qu'un schlaguito. Nel, tour, si tu es, personne sait qui tu es. Elle n'y a fond dans la capitale, je te conseille de capituler. On prend le buveux de manière frauduleuse, nique sa mère tant qu'on fait des lots. J'ai pas le temps d'attendre le déluge, donc je vends la neige pour faire de la luge. T'as capté la métaphore? Est-ce que t'as capté la métaphore? Je vais leur briser les jambes, les bras, je vais leur casser le nez d'abord. C'est la vendetta, tout le monde lève la main dans le ghetto. C'est la rap des chiens de la casse, 96 heures avant le dépôt. Placing on the track, boy.